C'était re l'intervention d'avant. Ouais. T'en as pioché trop. T'arrives à lire ? Ouais, je vais choisir celle-là. Tu veux que je la lise ou pas de... Faut pas la choisir. Bah, c'était celle que j'avais sélectionnée deux. C'est celle que j'avais. C'est pas grave. Je pense qu'elle est plus intéressante. Alors, je pose la question. Pour ceux qui ont participé à Nuit Debout, comment votre vie a changé ? Point d'interrogation. Comment voyez-vous votre futur ? Est-ce qu'il y a des gens qui ont participé à Nuit Debout ? Ah. Alors, comment ta vie a changé ? Et du coup, je propose que celui qui pose la question fasse la modération. Comme ça, tu participes en plus. Alors, on a une intervenante, là. Hop. Alors, comment ta vie a changé grâce à Nuit Debout ? Je pense que, enfin, je vais pas m'avancer en parlant. On est quelques-uns ici. Bon, même on se connaît pas forcément dans le privé, mais on est un petit noyau dur à avoir été là depuis le début. Et enfin, j'ai pas vraiment d'avis sur la question en fait, mais c'est effectivement. Enfin, moi, ma vie a changé. Après, de là à dire comment elle a changé, je sais pas. Mais elle est plus la même, ça c'est certain. Attends, attends. Et il faut dire aussi comment vois-tu ton futur? Ah, tu sais pas, d'accord. Est-ce que tu veux bien répondre à la question ? Comment ta vie a changé grâce à Nuit Debout ? Et comment voyez-vous votre futur ? On t'a lancé la patate chaude. Moi, ça a changé dans le sens où c'est la première fois où je trouve une forme d'engagement politique qui me convienne, où on peut repartir sur les bases à zéro. Et ça, ça m'intéressait vraiment. On peut poser des questions qui dérangent les structures qui sont déjà en place. Et ici, c'est assez ouvert. Et comment je vois mon futur, j'en sais rien, je crois que personne ne le sait. Hein. Enfin... Ah, on a quelqu'un qui sait comment voir son futur, c'est bon. Ah non, j'ai pas dit ça. Ah si, si, t'as dit si. Non, j'ai dit, il y a des gens qui le savent. Ah, tu en fais partie, j'en suis sûr. Non. Ah, oui. D'accord, bon. Ah, ah non, bon, ensuite c'est à toi. Ma vie a changé dans un sens aussi parce que les RG se sont renseignés sur ma vie. J'ai eu une enquête Pôle emploi qui m'est tombée sur la gueule. Et un troisième et mon banquier qui m'a appelé alors que ça faisait 10 ans qu'il savait pas que j'existais. T'es sûr que c'est les RG ? Ah, d'après l'université, c'est la police, ils sont sympas. Tu voulais réagir ? C'est une bonne chose. C'est l'écoute, c'est écouter l'autre, le changement d'avis, une petite démocratie qui est en train de se construire. C'est ça. Bah j'espère, ça s'étalera dans les prochains jours. Ça s'étalera encore plus. C'est ça la démocratie. C'est le changement d'avis. Et comment tu vois ton futur ? Un futur, c'est la réflexion, c'est l'ouverture, la construction par rapport aux avis et la créativité dans le sens où avoir un modèle par rapport aux avis des autres. Voilà comment ta vie a changé. Bon, je vais essayer de pas être trop longue parce qu'en fait, il y a vachement de choses qui ont changé dans ma vie depuis Nuit Debout. Et je dirais, enfin, les trois choses principales. La première, déjà, quand je suis arrivée sur la place, bon, j'avais suivi ce qui s'était passé en Espagne, en Grèce, et je me disais, quand est-ce qu'il se passe quelque chose en France ? Donc, je vois que Nuit Debout émerge, et je me dis, bon, super, j'y vais. Alors, le premier soir où j'y étais, bah, je me suis retrouvée dans une grande foule, ne sachant pas du tout ce que j'allais y faire. Et très franchement, j'ai super mal vécu. Enfin, le soir, je suis rentrée chez moi, j'ai bu beaucoup de trop, toute seule dans mon appart. Mais le lendemain, je me suis dit, ouais, mais enfin, quand même, j'ai tellement envie d'en être que je reviens. Donc, le lendemain, je suis revenue. Alors là, du coup, j'ai vu Debout Éducation Populaire, je me suis dit, bon, eh ben, peut-être que pour commencer à faire quelque chose là-dedans, je vais faire une intervention sur quelque chose qui m'intéresse, on va voir comment les gens réagissent. Bon, ça a été la première chose. La deuxième, qui a été assez fondamental, c'est que pour la première fois, je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais m'adresser à quelqu'un sans, sans qu'on ait quelque chose en commun, que ce soit un statut professionnel, une relation familiale, je sais pas, une relation d'école, une relation quelconque. Simplement, je m'adressais à la personne parce qu'elle était à côté de moi, au même endroit, au même moment. Et alors ça a été franchement une découverte et je me suis rendu compte finalement sur à quel point je vivais avant dans un monde totalement aseptisé, où pour rencontrer l'autre, il fallait passer par toute une sorte de code. Et d'ailleurs, je comprenais pas. Enfin, je me considérais comme insociable en fait. J'avais pas d'amis à Paris. Et en fait, je crois que c'est simplement le mode de socialisation qui ne m'allait pas. Parce que j'ai plein d'amis maintenant. Enfin, je sais pas si c'est vraiment des amis, j'en sais rien, ils me diront. Bref. Le troisième point qui me semble très important, c'est aussi toute l'information, en fait, qui est diffusée, donc, notamment au sein de Voix Éducation Populaire. Je crois qu'en 3 mois, j'ai appris énormément, énormément de choses, beaucoup plus que si j'avais lu. De toute façon, j'aurais jamais eu le temps de lire autant de bouquins que tout ce que j'ai pu apprendre là en 3 mois. Et ce qui fait que maintenant, j'ai au moins une réflexion ou une analyse sur le monde qui m'entoure et sur la place que j'y occupe, qui fait que, de toute façon, je ne pourrais pas retourner à ma vie d'avant. Un, parce que je veux plus vivre isolé. Deux, parce que je sais trop de choses pour pouvoir faire semblant de ne pas le savoir. Et voilà, deux. Bravo, bravo. J'ai même pas besoin de poser la question comment ton futur va changer, on a déjà compris. Est-ce que tu veux bien être son ami? Alors, c'est ça. C'est ça, merci. Je réponds directement à cette question. Alors, c'est difficile parce que moi aussi, mon passif fait que c'est assez difficile, comme tu dis, clairement, de créer des liens dans la société d'aujourd'hui. Donc, j'ai des potes, j'ai une bande de potes, tout ça, mais. Même parmi eux, on ne sait pas trop qui c'est les amis. Donc, pour te répondre, écoute, on est en train de créer un lien. J'espère que ça, voilà, ça ira loin, on verra. Mais je réponds jamais à cette question parce que mes propres potes, je ne sais pas leur dire. Donc, sinon, ça a changé clairement parce que moi, j'avais toujours été révolté depuis que j'ai l'âge de parler. Mais je ne m'étais jamais engagé dans quoi que ce soit. J'avais jamais agi. Donc, je me faisais le reproche quand même assez régulièrement. Mais comme tu l'as dit, je crois que c'est toi qui l'as dit. Enfin, ici, je me suis retrouvé quand même dans une action où on pouvait enfin. En tout cas, je me reconnaissais, voilà, je pouvais agir en tant que moi-même. Enfin, voilà, j'avais pas, et comme tu dis, j'avais pas besoin d'être justifié d'un tel statut social ou quoi. Donc voilà ce que ça a changé, tout, c'est assez simple, mais c'est quand même pas mal pour moi parce que ça m'a fait un peu me rentrer dans la politique, entre guillemets, ou dans le mouvement, voilà. Et mon futur, en fait, alors du coup, comme tu dis, pareil, je sais pas du tout, mais ce que je sais, c'est que tous les jours, je suis en train de prendre un maximum de bases ici. Je vais me servir de toutes ces bases pour construire mon futur, tout simplement. Donc voilà, il y a des chances que je finisse dans une espèce de petite communauté autogérée ou je sais pas. On verra peut-être autrement, mais bon, ça a l'air parti comme ça. Voilà. Ok, je suis sûr qu'il y en a. Bravo, bravo. D'autres personnes qui veulent réagir sur cette question, je suis sûr, non? Des personnes de Nuit Debout? Ah, encore une réaction. Justement, si on parle, parce que nous, effectivement, on est peut-être peu nombreux à avoir été là depuis le début, mais justement, c'est bien que même ceux qui sont pas là ou qui viennent peut-être pour la première fois ici aujourd'hui disent peut-être ce qu'ils pensent du mouvement ou s'ils ont des questions. Enfin, c'est peut-être l'occasion aussi. Voilà, s'il y a des personnes qui veulent dire ce qu'ils pensent du mouvement Nuit Debout, ce que vous en avez vu médiatiquement ou personnellement sur la place, que ce soit à travers, encore une fois, les médias ou en venant personnellement, vous voulez peut-être prendre le micro. Voilà. Moi, le mouvement Nuit Debout, en fait, je trouve que c'est un mouvement qui mérite mieux que ce qu'il est. Et moi, en fait, personnellement, il m'a changé parce que j'ai arrêté de manger des cadavres. J'ai arrêté de manger de la viande. C'est un changement radical. J'ai toujours, ça fait au moins 5 ans que j'essaie d'être vegan, j'y arrive pas. Concernant le mouvement, en fait, j'ai pris conscience que ce mouvement. En fait, il est en chute libre pour moi, en fait. Et c'est un peu dommage que des fois, il y a un peu cette guerre de clans qui freine mon. Et qu'un mouvement auquel chacun avait misé ses espoirs, en fait, a fini par devenir tout et n'importe quoi. Même s'il y a pas mal de. Même si j'aime bien l'éducation pop, mais il y a plein de choses à faire encore. Mais j'ai pris conscience de pas mal de choses, en fait. Moi, j'ai toujours dit que. Tant que les gens seront dans leur coin et qu'ils auront peur de s'aimer et de se mélanger et de partager, je ne croirai jamais à ce que vous appelez la révolution et les grandes valeurs. Voilà, c'est mon avis. Bravo, bravo. Si tu veux dire quelle leçon tu as rencontrée dans Nuit Debout, n'hésite pas. Hein. c'est des trucs qui m'intéressent énormément. Là, tu disais par exemple, et je te contredis pas, c'est certainement très vrai, tu l'as certainement très vécu, il y en a eu plusieurs même. T'as remarqué peut-être deux clans, deux tensions, deux modèles différents. N'hésite pas à les décrire pour qu'on puisse les comprendre. Peut-être que j'étais pas là ce jour-là, je sais pas. Alors, déjà, il y a un truc qui est insupportable dans les débats que j'ai eu avec certaines personnes, c'est que dès que vous dites quelque chose, en fait, qui va à l'encontre de la personne, vous êtes Satan, vous êtes un sorcier, vous êtes le mal absolu. Et les gens sont tellement fragiles et naïfs par les mensonges de l'histoire que dès que vous mettez le doigt dans les tabous de l'histoire, vous avez des gens qui vous traitent de tous les noms. Il y a des commissions que j'aime pas. Par exemple, la commission logistique, c'est la commission que je déteste le plus. La commission logistique, là-bas, c'est celle que je déteste le plus. C'est une commission comme ça qui gère beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens que j'aime là-bas, mais il y a beaucoup de gens que j'aime pas parce que quand j'y vais, je me sens pas accueilli, je sens pas cette fraternité en fait. Je me sens pas en fait en osmose avec les gens et je le dis haut et fort. Après voilà, l'éducation pop, j'aime bien et puis je le dis haut et fort tant qu'on sera chacun dans nos clans, dans ce sectarisme, ce clanisme qui divise les gens. Bah bonne chance pour pouvoir écraser un ennemi qui n'attend que ça parce que BFM TV, les grandes chaînes télévisées n'attendent que ça. Voilà, moi je l'ai dit toujours en fait. Normalement, on devrait avoir de tout ici. On devrait avoir des gens, des Esquimaux, de tout. Enfin, de voilà. J'arrête pas de le dire, ça fait rire, mais je suis désolé. Enfin, il y en a marre toujours des mêmes personnes qui prennent toujours le flambeau. Enfin, je veux dire, on n'est pas là pour donner des leçons aux gens, on est là pour partager et travailler ensemble. Et surtout s'aimer, parce que si c'est pour se réunir dans une manif et après une manif, on se dit c'est bon, on a fini la manif, c'est bon, on va boire une bière. Non, moi je préfère que j'ai posé la question à tout le monde, est-ce que quelqu'un serait prêt à prendre une balle pour son confrère, pour sa consoeur? Enfin, personne n'a dit oui, personne n'a répondu, donc ne parlez pas de solidarité si on n'a pas vraiment. Excuse-moi, mais c'est une question très intéressante, et de manière générale, prendre une balle pour un concitoyen français, aujourd'hui, c'est une métaphore, mais c'est une question intéressante. Hein. Non, vas-y, si tu veux rebondir, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Un frère d'humanité, voilà, donc plus d'amour entre les gens, ça fait pas de mal, ça donne pas la peste, qu'on arrête d'être des tapettes, qu'on arrête d'avoir peur de l'autre, parce que l'autre est un autre moi, et qu'on va vers lui, et qu'on travaille ensemble, et qu'on l'aime, voilà, et qu'on prenne surtout les gens dans leur globalité aussi, parce que souvent, on colle des étiquettes, alors que les gens, il faut découvrir la personne dans tout ce qu'elle est, voilà, c'est mon discours, voilà, je suis pas là pour faire plaisir aussi, c'est ça aussi qui dérange. Je pense qu'on a compris ton avis, il est tout à fait respectable et on te remercie pour ton intervention. Tu veux dire un mot sur la question ou sur l'intervention qu'il a fait? Nuit debout, c'est pas la première fois que j'entends ce discours. Je l'entends. Moi, j'ai eu de la bienveillance, j'ai eu du non-jugement. Aujourd'hui, je suis à Nuit debout, je travaille dans une banque et personne m'a fait la gueule. Personne m'a dit que j'étais un crétin. Personne m'a dit que, je travaillais pour le grand capital pour lequel on se bat ici. Et ça, c'est quelque chose que j'ai fortement apprécié, c'est-à-dire que personne m'a jugé. Et moi, j'ai jugé personne en retour. Voilà, je voulais le dire. Je voulais que ça soit dit. Je vais avec une petite touche d'humour, puisque tout à l'heure, la question, c'est qu'est-ce que vous apportez Nuit debout? Moi, Nuit debout, ça m'a apporté de la fatigue. Ça m'a apporté des fourmis dans les jambes. Ça m'a apporté une espèce de famille, hein, parce que des gaz dans la gare. Alors ça, c'est pas Nuit debout, c'est plutôt les manifestations et les flics. Mais des manifestations sauvages avec des gens, je pense, qui n'avaient jamais fait de manifestations sauvages, des anciens, des jeunes. Ça m'a apporté. J'ai fait partie un temps de la convergence des luttes, donc forcément, on a rencontré plein de gens différents. Il y a encore deux jours, on parlait avec les gens qui manifestaient pour la Turquie. C'était très intéressant, leur point de vue. Et ça, c'est de la richesse, c'est de l'expérience. Et quelque part, même si j'ai atteint la trentaine et les dépassé, j'apprends encore tous les jours. Et je pense que c'est une grande école aussi, Nuit debout. Et ça, c'est très très important, en plus d'être un réseau, ça a permis de connecter les gens entre eux, de recréer du lien social. Alors effectivement, après, il y a des fois, on n'est pas d'accord entre nous. Mais ça fait partie du jeu. Après, moi, je respecte tous les points de vue. Mais est-ce que je serais prêt à prendre une balle pour quelqu'un? Très honnêtement, cette question, je la trouve exagérée. Je trouve que c'est extrême comme question. Et en fait, ça fait pas avancer Schmilblick. Mais c'est mon point de vue. Et je respecte ta parole aussi. Voilà, donc je vous invite tous et toutes à continuer dans ce bien beau petit mouvement, et on verra. De toute façon, c'est ce que je dis, hein. Nuit Debout, c'est nous qui faisons ce mouvement. Donc c'est nous qui apportons, et c'est nous qui faisons le truc. C'est du donnant-donnant, entre guillemets, même si c'est une expression commerciale de banquier. Voilà, bonne soirée. C'est juste pour faire on continue le débat après, juste pour vous dire que là on va faire passer la petite boîte à dons pour nous aider à acheter du matériel, en fait, pour quand voilà la sono, là on a un diable pour le transporter qui nous a lâché hier soir, donc il faut qu'on en rachète un par exemple, tout ça, donc mettez ce que vous pouvez, ceux qui peuvent, et merci à vous. Hop, et je te passe la parole tout de suite. C'était pour réagir à ce que tu as dit, en fait. Les tensions, oui, elles sont là, parce que quand on a des avis contradictoires et qu'on les exprime en public et qu'on est en espèce de débat à deux face à un public, forcément, ça exacerbe les tensions. Je pense pas que ça soit dû à Nuit Debout, et c'est quelque chose que tu retrouves, comme toucher faire du doigt des questions qui font mal. Avec n'importe qui, dans n'importe quelle situation, tu auras un gros problème de communication, au moins. Et on peut pas s'échapper de ça ici, mais j'ai l'impression que c'est moins vif ici. Malgré le truc spectacle devant les gens qui font, enfin qui fait que le débat peut s'envenimer. Après, je sais que j'ai un copain qui osera jamais le dire, mais à la logistique, j'ai un copain qui lui a risqué de prendre des balles pour des gens lors des attentats de Paris et au Bataclan pour deux personnes, et bah il le dira pas, et les gens qui font ça, ils le mettent pas en avant. Donc je trouve un peu perverse ta question, et oui, je pense pas que ça fasse avancer les choses. Alors peut-être que ce qu'il voulait dire en se prenant une balle pour quelqu'un, c'était de l'hyper-amour, en fait. C'était sa façon de le dire. Voilà, c'est une façon de dire qu'il était hyper fraternel. Je pense qu'on va essayer d'éviter de prendre des balles pour quiconque. Ça serait top. Ça pourrait être bien. Si, tu veux intervenir. Oui, pour revenir aussi sur la question expérience Nuit Debout et la suite, je pense qu'il y a un truc auquel j'ai pas pensé tout à l'heure, qui est pourtant fondamental. C'est moi, je me suis aussi rendu compte avec l'expérience de Nuit Debout de mon impuissance et de notre impuissance politique. Enfin, j'étais pleine d'illusions en arrivant, parce que je suis un petit peu aussi dans le monde universitaire, et donc du coup je me disais, ah bah il suffit d'écrire des trucs, de faire des propositions, et puis on va les donner au gouvernement et ils vont les faire voter par tout le monde et ça va être génial. Bon, et au début même je me disais, mais pourquoi est-ce que à Nuit Debout ils disent nous, le peuple, le gouvernement, ils sont en train de poursuivre ce clivage qui n'existe pas. Bon, très clairement maintenant je dis nous et eux comme tout le monde, parce que j'ai bien compris qu'il y avait pas de, passage, en fait il y a vraiment deux mondes, quoi. Et à la fois c'est une expérience très dure, parce que du coup tu te dis, enfin même moi là, du coup dans le monde universitaire je me dis, mais oui finalement ce que je fais ça va servir à moi et bah en fait à moi, quoi, c'est tout. Et parce que ceux qui vont le lire, enfin ça n'aura jamais un impact sur la société ou quoi que ce soit. Et aussi du coup par rapport au mouvement lui-même, enfin Nuit Debout, les manifs, etc. Très franchement j'ai aussi du coup une autre vision par rapport à la violence, par rapport au fait de ne pas être entendu et sur ce que ça pouvait produire chez les gens. Et ça je crois que quand on ne l'a pas vécu, qu'on n'est pas dedans et qu'on n'entend que ce que disent les médias par rapport à ça, on se trompe très lourdement. Merci, je crois que tu veux intervenir. Si tu as un avis contraire tu peux le... Je pense même qu'il n'est pas si contraire que ça à ton avis même. Tiens, le micro, c'est mieux. Non, c'était juste pour te rassurer sur l'utilité de ce que tu fais, de tes activités universitaires. Ça n'a peut-être pas un effet à très court terme, mais il faut quand même les faire. C'est, voilà, Et tes activités à Nuit Debout aussi, ça a un effet même peut-être à court terme. On ne sait pas. Monsieur ? Oui, bonjour à vous tous. Je ne suis pas très loin de Place de la République. Il m'est arrivé souvent de passer. Au début, la curiosité. Puis par le temps, je m'intéressais à ce que, comme toujours d'ailleurs, ce que pensent la plupart d'autres personnes. Ce n'est pas une critique, mais c'est un souhait. Et j'ose espérer qu'il se réalisera. Dans les différents débats que j'ai eu l'occasion d'entendre, parfois participer, on arrive tous avec quelque chose, c'est-à-dire avec ses préconçus, je dirais pas des préjugés, toute une culture qui nous est donnée à compte-gouttes, comme le supplice du chinois. Or que l'objectif aujourd'hui, on est arrivé à à un degré que le fil rouge d'une conjonction de personnes qui viendraient sur la place de la République, hormis leurs convictions politiques, hormis leurs convictions religieuses, quel que soit d'où ils viennent, et la plupart de nous, la plupart des gens savent d'où ils viennent, nous devrions tous laisser ça de côté pour une recherche de cohésion et un but unique, absolu. C'est quoi le but unique? Pourquoi nous sommes là depuis 3 mois? Nous sommes là parce qu'il y a une injustice pour tous, chacun d'arçon. Nous sommes là parce qu'il y a un problème d'inégalité. Nous le ressentons tous. Nous sommes là parce qu'il y a un racisme d'État qui tue sans en rendre compte. Et nous assistons à des drames absolus qui défient la pensée humaine. Voilà en deux mots ce que je voulais simplement dire. Ne prenez pas ça comme un reproche ou quelque chose de... Je dis ça humblement et je crois que nous serons tous gagnants si nous allons vers l'autre avec le besoin de le connaître, de respecter ce qu'il peut penser, hormis encore je dis ses positions religieuses ou ça, nous serions gagnants. Mais il ne faut pas être dans une sorte de inconscient et d'une sorte de course à qui savoir d'où il vient et il faut absolument qu'il impose ça. Chacun de nous, chacune d'entre nous voudra ça. Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés à un niveau où il faut dépasser ça. Où l'essentiel de la question, c'est comment faisons-nous pour vivre demain ensemble, sans pouvoir s'étriquer, sans pouvoir avoir un regard dédaigneux et sans absolument passer à côté de quelqu'un qui est mourant ou qui ne bouge pas et qu'on dit « Ah ben oui, il s'est drogué ». Sans pouvoir avoir le geste de s'arrêter et de poser la main sur son épaule et lui demander « Qu'est-ce qui se passe? A-t-il mal? Qu'est-ce qu'il y a ?» Je vous remercie. Bah, merci à vous. Hein. Je peux être que de votre avis. Hein. Je sais pas si j'ai le droit de dire quelque chose. Si, peut-être. Je suis censuré. Il y a une forme de violence, même si elle n'est pas toujours physique, de la part du pouvoir, on va dire, qui est un pouvoir d'entre-soi, malheureusement, et qui exclut énormément, et qui, malheureusement, par le fait de la non-représentativité, par la déconnexion des hommes et femmes politiques qu'on subit, malheureusement, il y a beaucoup de violence sociale, de casse sociale, de malheur, de tristesse. Et je crois que ce qu'on veut tous, et l'être humain en général, c'est d'être heureux. Et c'est peut-être le plus important pour nous, en tout cas j'espère. Il y a peut-être d'autres personnes qui veulent réagir sur ce qu'était le mouvement Nuit Debout, ce que ça vous a apporté, est-ce que ça va vous amener dans le futur, pardon. On n'est pas fini, bien sûr. Il y a beaucoup de personnes qui veulent en parler, j'en suis sûr, même si vous êtes timide, n'hésitez pas à regarder. On est ouvert, monsieur, venez. Vous êtes là en train d'écouter, c'est trop peu. Venez parler. Voilà. Effectivement, c'est assez compliqué de dire des choses qui sont relativement sensées. Non, ce que je pense une chose, c'est... En fin de compte, il y a beaucoup de personnes qui veulent faire changer le monde, mais est-ce qu'ils sont prêts à changer eux-mêmes? Et c'est la question qui est assez difficile. Bon, moi, je peux dire qu'une seule chose, c'est que... Ceux qui veulent nous gouverner, généralement, ce sont des dictateurs, ce sont des fascistes, ce sont des hypocrites, ce sont des menteurs. Et ils nous font croire qu'on vit dans un monde idyllique. Et en fin de compte, on est dans le dogme, on est dans la compétitivité. Au lieu d'être dans la coopération et essayer de transcender avec chacun d'entre nous, quoi. Mais oui, tout à l'heure, ce que j'ai entendu, c'est il y a quand même un petit bémol sur Nuit Debout, c'est que il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas écouter les autres. Donc ils s'écoutent eux-mêmes. et ça peut pas faire vraiment avancer grand chose si on reste dans cette position là. C'est une critique, hein, je suis d'accord, hein. Mais non, pour faire avancer le mouvement et essayer d'obtenir des résultats, je pense qu'il faut vraiment être à l'écoute des autres. Mais voilà, c'est pour l'instant, c'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup. Ben merci. Je crois que tu voulais dire que quand on vient apporter quelque chose, il faut être aussi ouvert à ce que l'autre nous apporte. Peut-être, c'est ça. Merci. Non, et puis je pense que au sein même de Nuit Debout, c'est difficile de parler de Nuit Debout comme une entité voilà uniforme parce que on est extrêmement différents à l'intérieur même du mouvement. Et moi, enfin. Il y a certaines personnes que je voudrais pas du tout voir au pouvoir au sein de Nuit Debout, je le dis tout de suite. Dont moi-même. Je vous souhaite pas de m'avoir au pouvoir. Mais bon, toujours est-il que on est tellement différents à l'intérieur même du mouvement. Et c'est ça aussi qui est compliqué, c'est comment agir et comment être actif avec des gens qui justement sont extrêmement politiquement, humainement différents en fait. Alors, est-ce que tu t'estimerais pire que les personnes qu'on a au pouvoir actuellement? Parce que si tu serais pas pire, moi je veux bien t'avoir au pouvoir. Hein. Ça me dérange pas du tout. Si t'es meilleur que Hollande, vas-y, fonce. J'ai aucun doute là-dessus. Oui, bah justement, moi je voudrais revenir là sur ce que tu viens de dire, etc. et sur ce qui se dit depuis quelques minutes. À mon avis, parce qu'on parle aussi de certaines dissensions qu'il y a au sein de Nuit Debout, à mon avis, une des différences, c'est pas du tout la seule, hein. Mais c'est une manière de considérer au fond l'état de notre monde et la manière de le changer, soit d'un point de vue moral, soit d'un point de vue politique. Or, ce que tu viens de demander à Elisa à l'instant, ça se fonde sur un point de vue moral. C'est-à-dire, bah, y a des gens qui sont méchants, il y a de nos politiques qui sont menteurs, tricheurs, etc. Puis il y a peut-être des gens qui sont gentils et qui vont bien nous gouverner. C'est le point de vue moral et par conséquent, il faudrait comme ça se changer soi-même, etc. Moi, j'adopte quant à moi, plutôt un point de vue politique, à savoir que ce qui m'apparaît mauvais, au fond, dans le gouvernement qu'on a, c'est pas Hollande, Macron ou Valls, c'est le système politique et les institutions politiques telles qu'elles sont établies. Et moi, je crois pas que Hollande, il soit fondamentalement méchant, hein, il est comme vous et moi, il a exactement la même constitution physique, etc. Et par conséquent, ce qu'il faut changer, c'est l'institution politique elle-même. Et donc moi, je veux pas que même moi, ou quelqu'un en qui j'ai la plus absolue confiance, soit au pouvoir sous la 5e République française, quoi qu'il arrive. Voilà. Et ça, à mon avis, c'est aussi une chose qui nous a opposé beaucoup dans Nuit Debout, quand il s'agit de répondre à la question « que faire ?» quoi. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, est-ce qu'il s'agit de se changer soi-même et de vivre à la limite avec quelques gens bien dans une petite communauté à la Épicure où on vit tous dans les meilleures conditions possibles parce qu'on est tous des gens éthiques, ou alors est-ce qu'on essaye de formuler des propositions strictement politiques et institutionnelles qui nous permettent de vivre tous, même si on pense politiquement très différemment, dans les meilleures conditions possibles? D'accord, ben merci. Je crois que tu viens de dire que en fait les institutions formaient les gens qui les dirigent et forment leur personnalité, et qu'au final, quelconque personne qu'on mettrait au pouvoir dans la 5e République aurait les mêmes tares, peut-être. Voilà. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que ce qu'a dit le monsieur avant, c'était que c'est les gens qui veulent nous diriger, sont des dictateurs, tout ça. Après, on peut débattre, mais c'est dans le veulent qu'il y a le problème. C'est-à-dire qu'il ne faudrait jamais donner le pouvoir à quelqu'un qui le veut. Voilà. Et ça, c'est. C'est ça peut-être une différence entre Hollande et toi ou moi. Voilà, quand même. Alors très vite, ce que vient de dire le monsieur, je crois, c'est que ce qu'au final, les personnes qui arrivent à la tête du pouvoir sont des personnes avec une certaine attitude, une certaine. C'est ce que dit Pierre Bourdieu, hein, pour l'occasion. Oui, Pierre Bourdieu le dit dans un documentaire qui s'appelle La sociologie est un sport de combat, un documentaire de Pierre Carl, qui dit qu'au final, les hommes politiques qui arrivent en haut sont des requins qui avaient mangé tous les poissons qui étaient en bas, et une personne tout à fait intéressante, ouverte, cultivée, avec une vraie idée, ne pouvait pas arriver en haut puisqu'il fallait avoir ce pouvoir de s'évincer, de se mordre, de s'éliminer entre eux pour acquérir le pouvoir qui va au final arriver à nous ramener à la tête d'un État. Et d'ailleurs, vous avez l'exemple actuellement avec Macron. Alors moi, j'aime pas Macron, mais on dit que Macron ne peut pas être Premier ministre ni président puisque il n'a aucune majorité. Il n'est pas dans un vrai parti et il ne pourrait pas représenter une majorité et du coup il ne pourrait pas diriger l'État. En fait, c'est Valls qui dit ça. Et en fait, sous cette indication-là, on comprend que toi, moi, quiconque, comme on n'est pas chef ou qu'on n'est pas leader d'une majorité, on n'a aucune chance de pouvoir avoir la pratique d'un pouvoir. C'est l'UMP, le Parti Socialiste, qui décide de qui est à l'Assemblée nationale, de qui est chef politique. Je donne un droit de réponse parce qu'on me la demande. Hop. Ouais, le droit de réponse c'était simplement pour dire voilà. Ce que j'ai entendu, c'est pas que les personnes qui sont au pouvoir sont tous des méchants, des requins, tout ce qui s'entuie. C'est parce que on a bien voulu les installer là. Pourquoi ? Parce que notre façon de penser et notre naïveté, c'est de dire il y a un mode électoral, il y a un mode de scrutin, des personnes qui s'engagent sur une liste pour être élues. Ces personnes-là sont déjà des gens corrompus. Donc on accepte de les installer au pouvoir. Donc ça, c'est une façon de voir le monde. Mais pourquoi on accepte ça ? Parce que dans notre pensée individuelle, on veut changer les choses, mais dans la pensée collective, on ne peut pas le changer. C'est-à-dire qu'on ne voit qu'un seul système, et ce système-là, tant qu'il est dans la pensée collective, c'est quelque chose qui ne peut pas changer. Pour pouvoir changer les choses, il faudrait éventuellement que chacun d'entre nous puisse penser différemment et accepter de façon collective de changer les choses et avoir une majorité pour pouvoir s'engager dans ce sens-là. Ce qui s'est passé, par exemple, en Turquie, il y a des personnes que je ne sais pas si c'est bon ou mauvais, mais en tous les cas, peu importe, s'il y a des personnes qui veulent dégager le pouvoir en place et faire un putsch, c'est pas en étant minoritaire qu'on peut y arriver. On n'aura pas l'approbation de tout le monde. Donc c'est peine perdue, ça peut pas marcher, c'est quelque chose qui malheureusement va rentrer dans la frustration, et etc. Moi, je pense, à travers je sais pas si vous connaissez Krishnamurti. En tous les cas, Krishnamurti, lui, il a décrit le mécanisme de la pensée. Donc, à partir du moment où collectivement on pense tous de la même manière et on accepte cette façon de voir le monde, on ne pourra jamais le changer. On va répéter les mêmes erreurs. Je vais donner un exemple. Par exemple, les RTT. On nous a dit, oui, la réduction du temps de travail, on va partager le travail avec tout le monde. Ben, qu'est-ce qui s'est passé ? On nous a donné des RTT au lieu d'une réduction du temps de travail hebdomadaire. C'est des congés quand le patron y veut et pas quand on veut exactement. Et ça s'est transformé au lieu d'une réduction hebdomadaire, c'est une réduction sur 3 semaines de congés à l'année qui, quand le patron il a du boulot, vous venez travailler. Quand j'en ai pas, eh ben vous dégagez, vous partez en vacances. Ben, si vous n'avez pas les moyens, ben, tant pis pour vous. Mais en tous les cas, je veux pas vous voir. Donc, un changement de pensée, c'est-à-dire de ne pas accepter l'inacceptable, c'est-à-dire que une réduction de travail, c'est par exemple quelque chose d'égalitaire au niveau hebdomadaire et non pas annuel. Donc, à chaque fois qu'on va vouloir faire une nouvelle loi sociale ou une nouvelle loi, quelle que soit la loi, si on accepte qu'elle soit transformée pour ne plus intéresser le plus grand nombre, mais que des personnes en particulier, donc le gain ne sera pas, il n'y aura pas de bénéfice pour tout le monde. Enfin, je suis en train de penser à autre chose là. Donc je vous laisse. Mais j'espère qu'on m'a compris. Hop, voilà, une petite intervention. Ouais, très très bref. C'était, alors je suis un petit peu en retard. Du coup, c'était plus par rapport à, bah, un petit peu par rapport à l'écoute quand même, que sur comme quoi on doit s'écouter et tout ça, et comme quoi, aussi sur les désaccords dans les débats, etc. Et bon, je pense que bah, c'est complètement normal qu'on arrive qu'on soit pas d'accord. Hein. C'est presque tant mieux puisqu'on arrive pour ça, pour se mettre d'accord. Donc c'est déjà bien. Si on n'était pas d'accord et qu'on restait chez nous, donc là on n'est pas d'accord, on vient se le dire, c'est déjà mieux. Et d'avancer tous ensemble dans le même sens, je pense que c'est vraiment pas évident. Donc en fait, et c'est ça que je voulais juste rappeler. Je pense qu'on entend rarement. En fait, c'est bah, faut être... Enfin, je sais pas, peut-être qu'il y en a qui sont pas d'accord, mais je pense qu'on est obligé d'être un petit peu patient, en fait. Enfin, on est souvent impatient, en tout cas, on est souvent impatient. Et dans l'impatience, je pense que l'impatience provoque la non-écoute, provoque le. Voilà, dans la précipitation, je pense, enfin, je sais pas, hein, c'est un avis, mais. Enfin, voilà, donc je voulais juste rappeler l'importance du temps dans la démocratie. On est en train d'essayer de construire quelque chose qui n'existe quasiment pas, enfin, qui n'existe pas. Donc, je pense que, et on l'a déjà rappelé plusieurs fois, Alex tout à l'heure l'a rappelé dans son intervention, le temps est extrêmement important dans la démocratie, vu que c'est le débat, voilà, c'est tout. Hop, une petite intervention. Pour revenir sur la pensée collective, je pense que le coup de génie d'une debout, c'est justement peut-être ça, d'avoir créé en fait quelque chose qui n'existait pas en France, un lieu de pensée collective, hors parti, hors marché, hors entreprise, donc un lieu en fait où les citoyens ils pensent ensemble au lieu de penser chacun de son côté. Et pour moi, c'est l'innovation majeure, c'est ça quoi, c'est ça qui est entre guillemets extraordinaire quoi. Voilà. Merci. Hop. Merci. Oui, il me semble aussi que c'est la force de Nuit Debout que d'exiger les conditions d'une démocratie directe, et que ce soit de la parole de tous qu'émergent des solutions entre guillemets, parce que pour moi il n'y a pas de solution. Et il me semble aussi que la question n'est peut-être pas de savoir si les hommes politiques qui sont au pouvoir sont bons ou méchants. Il me semble qu'ils sont, ils choisissent en le sachant. Ils sont complices d'un système dans lequel il s'agit de favoriser uniquement de plus en plus le 1%, et ils sont au service de multinationales qui leur dictent aussi bien les lois comme la loi travail que nous avons dû combattre. Et il me semble que l'État est au service de ces puissants, de ces riches. Par conséquent, la question est de savoir s'il est possible que l'homme recherche vraiment le bien collectif, le bien de tous. Alors, je sais qu'il y a certaines tendances politiques comme Hobbes qui ont prétendu que Hobbes, enfin que Aristote s'était trompé et que le bien collectif, ça n'existait pas. Bon, Thatcher a renchéri sur